Chapitre 10e. Un Français auquel une jeune fille propose d'aller courir les champs tête à tête est généralement assez étonné. Un Américain auquel on adresse la même proposition l'est beaucoup moins. On veut s'amuser avec lui ou bien l'on désire l'étudier au point de vue d'une affaire matrimoniale. Rien n'est plus simple et plus naturel que cette promenade. Il accepte donc ou il refuse, selon sa fantaisie, mais il ne s'étonne pas. Le colonel Chamberlain était américain, ou tout au moins, s'il était français par les sentiments, il était yankee par les habitudes et l'éducation. Élevé à voir les jeunes filles usées et abusées d'une liberté absolue, il ne pouvait pas être surpris de la proposition que lui faisait Carmelita d'aller parcourir les montagnes environnantes avec lui. Seulement, comme cette proposition ne devait avoir pour lui aucun résultat agréable, bien au contraire, elle le fâchait. « C'est assez de m'avoir pris ma chambre, » se dit-il. « Me prendre maintenant mon temps, ce serait trop. » Et le lendemain matin, à la première heure, il était parti en excursion de manière à n'être pas exposé à refuser Carmelita, ce qui était presque impossible, ou à l'accompagner, ce qui n'était pas pour lui plaire dans les conditions où il se trouvait présentement. Que dire à cette jeune fille dans ce long tête-à-tête ? Parler de choses indifférentes serait impossible. Malgré eux, ils seraient entraînés dans leurs souvenirs. Paris, la marquise. Ils ne voulaient pas de confident, encore moins d'une confidente, telle que la belle italienne. Il resta absent pendant 2 jours et ne revint qu'assez tard dans la soirée, bien décidé à repartir le lendemain matin. Il avait cru qu'il pourrait rentrer dans sa chambre sans qu'on l'entendît, mais il s'était trompé. Il n'y avait pas 2 minutes qu'il était dans sa chambre, lorsqu'il entendit frapper 2 ou 3 petits coups à la porte cloison. En même temps, une voix, celle de Carmelita, l'appela. « Vous rentrez ?»« À l'instant. Vous avez fait bon voyage. »« Très bon, je vous remercie. »« Est-ce que vous êtes mort de fatigue ?»« Pas du tout. »« Ah, tant mieux. »« Pourquoi tant mieux ?» Mais il ne risqua pas cette interrogation. D'ailleurs, Carmelita continua bientôt ses questions à mi-voix. « Est-ce que la porte est condamnée de votre côté ?»« Elle est fermée à clé. »« Et vous avez la clé ?» Elle est sur la serrure. De sorte que, si vous voulez, vous pouvez ouvrir cette porte. Mais pas du tout. Il y a un verrou de votre côté. Je sais bien. Je dis seulement que si vous voulez tourner la clé en même temps que je pousse le verrou, la porte s'ouvre. Parfaitement. Eh bien, alors si vous n'êtes pas mort de fatigue, vous plaît-il de tourner la clé? Moi, je pousse le verrou. Et en même temps, il entendit le verrou glisser dans la gâche. Il était un homme, et non une jeune fille, qui doit se défendre contre les entreprises d'un séducteur. Il serait donc parfaitement ridicule qu'il ne tournât pas sa clé, quand sa voisine n'hésitait pas à pousser son verrou et à ouvrir sa porte. Il la tourna donc et tira la porte sur lui. Carmelita parut, le visage souriant, à la main tendue. « Bonjour, voisin, » dit-elle. « Bonsoir, voisine. » Elles restèrent en face l'un de l'autre durant quelques secondes. Devait-il entrer dans la chambre de Carmelita? Il hésita. Mais elle-même, faisant un pas en avant, le tira de son hésitation. Alors il recula et elle poussa la porte. « Ma mère est endormie, » dit-elle, comme pour expliquer cette précaution, « et son premier sommeil est ordinairement difficile à troubler. Cependant, en parlant ainsi à travers les cloisons, nous aurions pu la réveiller. Voilà pourquoi je vous ai demandé d'ouvrir cette porte. » Elle ne montrait nul embarras. Il paraissait aussi à son aise dans cette chambre qu'en plein jour, au milieu d'un salon. Et assurément, il se sentait beaucoup moins libre qu'elle. Cette visite a par ailleurs été au moins étrange, pour ne pas dire plus. Que signifiait-elle? « Depuis plus d'une heure, je guettais votre retour, » dit-elle. « Et je croyais déjà qu'il en serait aujourd'hui comme il en avait été hier. Hier, j'étais surpris par la nuit, à une assez grande distance, et je n'ai pas pu rentrer. » « Et où avez-vous couché ?»« Sur un tas de foin, dans un chalet de la montagne. »« Mais c'est très amusant, cela. »« Cela vaut mieux que de coucher à la belle étoile, car les nuits sont fraîches dans la montagne. »« Mais il y a quelque chose qui vaut encore beaucoup mieux qu'un tas de foin, c'est un bon lit. »« Vous aimez ces courses dans la montagne ?»« J'aime la vie active, la fatigue. »« Ces courses me délassent de la vie sédentaire que j'ai menée ces derniers temps. »« Ah, vous êtes heureux. » Comme il ne répondait pas, elle continua. J'entends que vous êtes heureux de faire ce que vous voulez, d'aller où vous voulez, sans avoir à consulter personne. Savez-vous que depuis que je ne suis plus une toute petite fille, je n'ai pu faire un pas sans la permission de mon oncle. Et il faut dire que presque toutes les fois que je lui ai demandé d'aller à gauche, il m'a permis d'aller à droite. » Disant cela, elle se mit à sourire, mais tristement, avec une mélancolie touchante. Où voulait-elle en venir? Elle était restée debout, contre la porte poussée. Elle s'avança dans la chambre et prenant une chaise, elle s'assit. « Je vous donne l'exemple, dit-elle, car je ne veux pas tenir sur ses jambes un homme qui a marché toute la journée. » Il s'assit alors près d'elle, assez intrigué par la tournure que prenait cet entretien bizarre. « Quel but pensez-vous que j'ai eu en vous priant d'ouvrir cette porte ? » demanda-t-elle. « Dame, je n'en sais rien, à moins que ce ne soit pour causer un instant. » « Vous n'y êtes pas du tout. J'ai une prière à vous adresser, à moi, et qui me rendra très heureuse, si vous ne la repoussez point. Alors il est entendu d'avance que ce que vous souhaitez sera fait. » « Non, rien à l'avance. Écoutez-moi d'abord. Et puis, selon que ce que je vous demanderai vous plaira ou ne vous plaira point, vous me répondrez. Vous souvenez-vous d'un mot que j'ai dit l'autre jour à notre retour de notre promenade en voiture ? À propos de quoi, ce mot ? À propos d'une excursion dans la montagne, parfaitement. Eh bien, ce mot m'a valu une vive remontrance de mon oncle, et quand je dis remontrance, c'est pour ne pas employer une expression plus forte. Cependant, cela ne m'a pas fait renoncer à mon idée, et plus mon oncle m'a dit que j'avais commis une sottise et une inconvenance en manifestant le désir de vous accompagner dans une de vos excursions, plus ce désir a été ardent. Cet aveu va peut-être vous donner une assez mauvaise idée de mon caractère, mais au moins, il vous prouvera que je suis franche. Et puis ce désir n'est-il pas justifiable, après tout ? Je suis enfermée dans cet hôtel. Ma mère est empêchée de sortir par sa maladie. Mon oncle est retenu par son horreur de la fatigue et de la marche. Moi, qui ne suis pas malade et qui n'ai pas horreur de la marche, j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière ces rochers qui se dressent du matin au soir devant mes yeux comme des points d'interrogation. N'est-ce pas tout naturel ? Et voilà pourquoi je vais vous demander de vous accompagner quelquefois. Voilà ma prière. Enfin, voilà comment j'ai été amené à pousser ce verrou. Je vous ai dit que d'avance ce que vous souhaitiez sera fait, je ne puis que vous le répéter. Maintenant, quand vous plaît-il que nous entreprenions cette promenade ? Oh, ce n'est pas ainsi que les choses doivent se passer. Le grand grief de mon oncle, ça a été que je venais me jeter à travers vos projets d'une façon importune et gênante. Si demain matin je lui dis que je pars avec vous pour cette promenade, il comprendra que son discours n'a pas été très efficace. Et il le recommencera en l'accentuant. Le moyen d'échapper à ce nouveau discours, c'est que vous demandiez vous-même à mon oncle de me faire faire cette promenade. Comme cela, il ne pourra plus parler de mon importunité. Le voulez-vous ? Il était bien difficile, pour ne pas dire impossible, de répondre non. Il fut donc convenu que le lendemain matin, le colonel adresserait sa demande au prince. Carmélita, ordinairement impassible, comme si elle était insensible à tout, se montra radieuse. « Maintenant, dit-elle, je ne veux pas abuser plus longtemps de votre hospitalité. Bonsoir, voisin, à demain. » Et après lui avoir tendu la main, elle entra dans sa chambre. Mais presque aussitôt, rouvrant la porte, « Comment ? » dit-elle. « Vous n'avez pas tourné la clé ? Mais il le faut. De même, il faut que je pousse le verrou. » Puis le regardant avec un sourire, « Pour mon oncle, » dit-elle, « pour nous, il n'y a ni clé ni verrou. »